إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، chers frères de la mosquée Assalam de Glan ainsi que tous les auditeurs sur la radio, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « Il n'y a pas eu un prophète avant moi sans qu'il ne lui incombe d'indiquer à sa communauté le bien dont il a connaissance pour eux et de les avertir contre le mal dont il a connaissance pour eux. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donc certes expliqué toutes choses et il nous a orienté, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un bien sans qu'il ne nous ait encouragé à l'accomplir et il n'y a pas un mal sans qu'il ne nous ait averti contre celui-ci. Et parmi ce mal contre lequel il nous a mis en garde et nous a averti, il y a le fait d'entrer dans les fitaines, d'entrer dans les troubles, de se mêler aux troubles et de les attiser. L'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté d'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura à l'approche de l'heure des troubles obscurs comme une partie sombre de la nuit. L'homme se lèvera le matin croyant et sera le soir mécréant. Il sera le soir croyant et se lèvera le matin mécréant. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui se tient debout. Et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. C'est-à-dire que le meilleur d'entre eux est celui qui est le moins impliqué dans ses troubles et qui ne s'y précipite pas. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Usama ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur un des forts de la ville de Médine. Puis il a dit, « Voyez-vous ce que je vois ? Je vois certes les emplacements des troubles autour de vos maisons. Je vois certes les emplacements des troubles autour de vos maisons, comme les terres arrosées par la pluie, et ce à cause du grand nombre de troubles. Et à notre époque, les troubles sont très nombreux, ils sont difficiles et ils sont effrayants pour la religion du musulman. Et leur affaire n'est pas simple, comme nombreux le pensent, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas prendre les troubles à la légère, car les troubles, les fitanes, saisissent le pervers, tout comme ils saisissent le pieux. Leur mal est donc général. Leur mal est donc général. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Et craignez une fitna qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et comme vous avez écouté dans le hadith précédent, parmi la dureté des troubles, il y a le fait que l'homme se retourne en un seul jour. Il change de situation en un seul jour. Il se lève le matin alors qu'il est croyant. Puis lorsqu'il vient le soir, il est mécréant. Ou bien il est croyant le soir, puis il se lève le matin en étant mécréant. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de ce retournement de situation n'est autre que les troubles. les fitanes. L'homme est sur l'islam, puis après une courte période, il passe de l'islam à la mécréance à cause des troubles. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me préserver ainsi que vous. En effet, nombreux sont ceux qui tombent dans les troubles, qui tombent dans les fitanes, surtout parmi ceux à la fois faibles. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il en est parmi les gens qui adorent Allah dans le doute. Il en est parmi les gens qui adorent Allah dans le doute. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ainsi, lors de l'apparition des troubles, le musulman se doit d'être ferme. Le musulman se doit d'être ferme, comme il lui a été ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. » Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et il est confirmé que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué à ses compagnons la fitna du faux messie, la fitna du Dajjal, il leur a dit après cela, « Ô serviteurs d'Allah, soyez donc fermes. Ô serviteurs d'Allah, soyez donc fermes. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abi Umama al-Bahili, radiyallahu ta'ala anhu. Il est donc indispensable pour le croyant d'être ferme et de ne pas basculer lors de l'apparition des troubles. Et dans cette conférence, incha'Allah ta'ala, on va évoquer 6 causes parmi les causes de la fermeté tirées du Coran et de la Sunna. L'objectif étant bien sûr de les emprunter, d'emprunter ces causes afin que nous soyons sur le bien et que nous soyons sur la fermeté, bi'idhnillah ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me raffermir ainsi que vous sur la vérité et la guider jusqu'à ce que nous le rencontrions. Et il répond certes aux invocations. La première cause, ayyuha al-ikhwa, pour rester ferme sur la religion lors de l'apparition des troubles est l'invocation. La première cause pour rester ferme sur la religion lors de l'apparition des troubles est l'invocation. L'invocation qui est ton arme, ô toi le croyant. Tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te tournes vers ton Créateur, celui qui détient toutes tes affaires en sa main. Et il t'a certes promis la réponse. Et il t'a certes promis la réponse. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et il est rapporté, d'après la mère des croyants, Salama, radiallahu ta'ala anha, que l'invocation que faisait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'invocation que faisait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam était « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Salama, radiyallahu ta'ala anha, alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu souvent cette invocation? Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu souvent cette invocation? Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, ô Salama, il n'y a pas un homme sans que son cœur ne se trouve entre deux des doigts d'Allah, Celui qu'il veut, il le maintient droit. Et celui qu'il veut, il le fait dévier. Et ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala. Et c'est ainsi qu'étaient les prophètes, alayhimus salatu was salam, ainsi que leurs suiveurs. Ils invoquaient et ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur le peuple mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et ils n'eurent que cette parole, notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur le peuple mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans son noble livre, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. C'est toi certes le grand donateur. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons également. Radiallahu ta'ala anhum. L'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, a en effet rapporté d'après Nafi' qu'il a écouté Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alors qu'il était sur Safa. Il invoquait et il disait « Oh Allah, tu as certes dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » et tu ne manques jamais à ta promesse. Et je te demande, comme tu m'as guidé à l'islam, de ne pas le retirer de moi jusqu'à ce que tu me donnes la mort alors que je suis musulman. » Jusqu'à ce que tu me donnes la mort, alors que je suis muslim. Vous voyez donc, mes frères, l'importance donnée à l'invocation par ces hommes pieux qui sont nos exemples. Ces hommes pieux qui sont nos exemples. Nous devons donc sans cesse invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et l'implorer de nous raffermir sur sa religion et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Et certes, ceci est une des plus grandes causes pour rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause, parmi les causes pour rester ferme lors de l'apparition des troubles, est le fait de s'accrocher fermement au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de les mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, alors quiconque suit mon guide ne s'égarera point et ne sera pas malheureux. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, Allah a garanti à quiconque suit le Coran, à quiconque suit le Coran, qu'il ne s'égarera pas ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Puis il a récité, quiconque suit mon guide ne s'égarera point et ne sera pas malheureux. Et ce récit est rapporté par Ibn Abi Shayba, rahimahullah, et d'autres, d'une bonne chaîne de transmission. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, a ainsi expliqué que le guide mentionné dans le verset est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a donc annoncé la bonne nouvelle à quiconque suit le Coran, qu'il ne s'égarera pas ici-bas. Il restera ferme sur la vérité et par conséquent, il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Et dans le sermon de Arafat, lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai laissé parmi vous ce après quoi vous ne vous égarerez point si vous vous y accrochez. » Le livre d'Allah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Et dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et quiconque parmi vous vivra, verra de nombreuses divergences. Et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car elles sont égarements. Et quiconque parmi vous atteint cela, alors qu'il s'accroche à ma sunna, alors qu'il s'accroche à ma sunna, et la sunna des califes bien guidés, accrochez-vous-y avec vos molaires. Accrochez-vous-y avec vos molaires. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu contre un mal. Il nous a prévenu contre un mal qui allait se produire après lui. Et ce mal est l'apparition de nombreuses divergences, l'apparition de nombreux troubles, ainsi que des choses nouvelles en religion, des innovations en religion qu'il a qualifiées d'égarements. Toutes sans exception ne sont qu'égarements. Et après cela, après nous avoir prévenus contre ce mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment y remédier. Comment remédier à ce mal? Comment faire face à ces divergences? Comment faire face à ces choses nouvelles en religion? Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: et quiconque parmi vous atteint cela, alors qu'il s'accroche à ma sunna, alors qu'il s'accroche à ma sunna et la sunna des califes bien guidés, accrochez-vous-y avec vos molaires. Vous voyez donc, mes frères, à travers ces versets et ces hadiths, que celui qui souhaite rester ferme sur sa religion, celui qui souhaite rester ferme sur sa religion et se prémunir de l'égarement, il doit alors s'accrocher fermement au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait certes partie des plus grandes causes pour rester ferme sur la religion lors de l'apparition de troubles, bi'idhnillahi ta'ala. La troisième cause, parmi les causes pour rester ferme sur la religion, est la multiplication des obéissances et des œuvres pieuses, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Et leur foi aurait été plus affermie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés: Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Dans la vie présente et dans l'au-delà. Et il n'y a pas de doute que ce qui est visé ici par la foi est la foi de laquelle découlent les œuvres pieuses. La foi de laquelle découlent les œuvres pieuses ainsi que les obéissances. Celui-ci est celui qu'Allah a fermé. Celui-ci est celui qu'Allah a fermé par une parole ferme ici-bas et dans l'au-delà. Et on trouve dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres. Empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant l'arrivée de troubles obscurs, comme une partie sombre de la nuit. L'homme se lèvera le matin croyant et sera le soir mécréant. Ou bien il sera le soir croyant et se lèvera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour un bien de ce bas monde. Il vendra sa religion pour un bien de ce bas monde. Et dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Ma'qil ibn Yasar, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'adoration lors des troubles, l'adoration lors des troubles équivaut à une émigration vers moi. L'adoration lors des troubles équivaut à une émigration vers moi. Et le mérite de l'adoration est immense lors des troubles. Le mérite de l'adoration est immense lors des troubles, car les gens n'y prêtent pas attention. Les gens ne prêtent pas attention à l'adoration. Ils ne se préoccupent pas de l'adoration. Pourquoi? Car ils sont préoccupés par les troubles. Ils sont préoccupés par les troubles et occupés par ceci. Alors que si le serviteur s'occupe par l'adoration, si le serviteur s'occupe par l'adoration et multiplie les œuvres pieuses et multiplie les œuvres lui permettant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne se préoccupera pas des troubles. Il ne se préoccupera pas des troubles et il n'aura pas de temps pour cela. Il n'aura pas de temps pour cela. Le musulman doit donc multiplier les œuvres pieuses afin de se préserver des troubles et de rester ferme sur sa religion lors de l'apparition de ces troubles. La quatrième cause pour rester ferme lors de l'apparition des troubles est le fait de s'abstenir de débattre à leur sujet. Le fait de s'abstenir de débattre à leur sujet, de s'isoler d'eux, de s'isoler de ces troubles et de s'éloigner d'eux et de s'éloigner également de leurs adeptes, des adeptes de ces troubles. Uqba ibn Amir, radiyallahu ta'ala anhu, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le salut ?» Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le salut ? C'est-à-dire comment obtenir le salut ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: « retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure pour tes péchés. » Retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure pour tes péchés. Ceci est donc le remède prophétique pour quiconque souhaite être préservé des troubles et obtenir le salut. Si tu souhaites être préservé des troubles, alors retiens ta langue et ne parle que pour prononcer des paroles profitables. Ne parle que pour prononcer des choses utiles et profitables. Aujourd'hui, lors de l'apparition des troubles, tu vois tout le monde en parler. Les troubles deviennent l'objet des discussions de tous, le centre des discussions. Tout le monde en parle, tout le monde expose son avis, tout le monde expose sa position, tout le monde commente la situation, etc. Et pire encore sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, etc. Il n'y a pas une fitna, il n'y a pas un trouble, il n'y a pas une fitna qui apparaît sans que tu vois les messages et les interventions se multiplier. Et de nombreuses personnes parler, et bien souvent sans science et à propos de sujets qui les dépassent. Tout le monde veut exprimer son avis. Et il faut que l'on prenne conscience de cela. Et du mal engendré par la mauvaise utilisation de ces moyens de communication. Si tu veux le bien pour ta religion, si tu veux le salut, retiens ta langue, écarte-toi des troubles et tu seras bien heureux. Quant au fait que tu commentes chaque événement, que chaque chose qui se passe, tu écris un commentaire et publies quelque chose sur ton compte Twitter, sur ton compte Facebook ou autre, et que tu interviennes dans chaque discussion et dans chaque affaire et dans chaque fitna, alors ceci est une erreur et il y a dans cela de nombreux méfaits. Lorsque tu t'apprêtes à parler ou à écrire, rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah. Et médite également sur ces deux paroles. La première est celle de Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu qui a dit: celui qui parle beaucoup fera beaucoup de fautes. Et celui qui fait beaucoup de fautes, ses péchés seront nombreux. Et celui dont les péchés sont nombreux, alors le feu a priorité sur lui. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seconde parole est celle de Shumayt ibn Ajlan rahimahullahu ta'ala qui a dit: Ô enfant d'Adam, tant que tu te tais, tu es à l'abri. Et si tu parles, alors sois sur tes gardes. Cela est pour toi ou contre toi. Ainsi, celui qui veut préserver sa religion des troubles, celui qui veut rester ferme sur sa religion, il doit s'écarter des troubles et il doit s'écarter de ces choses-là et peser chaque parole qu'il prononce, chaque message qu'il envoie sur ses réseaux sociaux. Il doit méditer et se rappeler qu'il sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala sur ce sujet. Donc, le mieux pour tous est de s'écarter de cela, s'écarter de ces troubles, s'écarter de ces interventions, s'écarter de ces commentaires, s'écarter de ces paroles et de ces réseaux sociaux et de laisser la parole à ceux qui en sont aptes. et qui sont ceux qui doivent parler et intervenir lors des troubles. Et qui doivent parler et intervenir lors des troubles. Et ceux-là sont les gens de science. Et ceux-là sont les gens de science. Ce n'est pas aux ignorants de parler sur chaque trouble qui se produit, mais ceci revient aux gens de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a intitulé un chapitre de son recueil authentique, chapitre « Il fait partie de la religion de fuir les troubles ». Il fait partie de la religion de fuir les troubles. Puis il a mentionné le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il s'en faut de peu pour que le meilleur bien possédé par le musulman soit un troupeau de moutons qu'il fait paître autour des montagnes et des terres arrosées par la pluie. Il fuit les troubles avec sa religion. » Il fuit les troubles avec sa religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a considéré celui qui s'isole des troubles comme étant le bienheureux. Comme étant le bienheureux. Comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, d'après le Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire « Le bienheureux est certes celui qui est à l'écart des troubles. Le bienheureux est certes celui qui est à l'écart des troubles. Le bienheureux est certes celui qui est à l'écart des troubles. » Et il le répéta ainsi trois fois. Il le répéta ainsi trois fois. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est éprouvé, et celui qui est éprouvé, c'est-à-dire par les troubles, et qui patiente, alors il est vraiment surprenant. Alors, il est vraiment surprenant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonné de son affaire. Celui qui est éprouvé par les troubles, et qui patiente, et qui reste ferme sur sa religion. Ceci est donc la quatrième cause permettant d'être ferme lors de l'apparition des troubles, qui est le fait de s'en écarter et de ne pas polémiquer à leur sujet. La cinquième cause permettant d'être ferme sur la religion lors de l'apparition des troubles est le fait de prendre pour ami le pieux et le bon conseiller. Le fait de prendre pour ami le pieux et le bon conseiller. Et ceci est un point très important. Celui dont telle est la description, c'est-à-dire qu'il est pieux et qu'il est bon conseiller, c'est celui qui t'avertit lorsque tu es distrait. C'est celui qui te rappelle lorsque tu oublies. Celui qui t'encourage lorsque tu es pris de paresse. Celui qui t'aide lorsque tu es faible. Celui-ci, c'est l'ami avec lequel il est obligatoire pour toi que tu fasses preuve de patience avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا » Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Il y a donc dans ce verset l'ordre de fréquenter les gens de bien et de vertu, et de patienter en restant avec eux. Quant au mauvais compagnon, il est le contraire de cela. Sa fréquentation, elle te fait tomber dans différents maux et dans différentes calamités. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte certes l'homme après l'avoir tenté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ » L'un d'eux dira, « J'avais un compagnon. » C'est-à-dire, j'avais un compagnon ici-bas. « يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ » Qui disait, « Es-tu vraiment de ceux qui croient ?» Il voulait le faire douter au sujet de sa religion. « أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمِدِينُونَ » Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes ?« قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ » Il dira, « Est-ce que vous voudriez regarder d'en haut ?» Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise. Il le verra en plein dans la fournaise. « قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ » Il dira alors, « Par Allah, tu as bien failli causer ma perte, c'est-à-dire ce mauvais compagnon. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. » J'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. Ces versets nous montrent donc les effets néfastes et dangereux du mauvais compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple remarquable à ce sujet lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du bon et du mauvais compagnon est celui du vendeur de parfum et du forgeron. Le vendeur de parfum, soit il t'en donne, soit tu lui achètes, soit tu vas trouver auprès de lui une odeur agréable. Soit tu vas trouver auprès de lui une odeur agréable. Tandis que le forgeron, soit il brûle tes habits, soit il brûle tes habits, soit tu trouves de lui une mauvaise odeur. Soit tu trouves de lui une mauvaise odeur. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu. Ainsi, le musulman qui recherche le salut et qui souhaite rester ferme sur sa religion, il doit bien choisir ses fréquentations. Il doit bien choisir ses fréquentations et s'entourer de personnes pieuses parmi les gens de la sunna et patienter avec eux. Il doit s'entourer de personnes pieuses parmi les gens de la sunna et patienter avec eux. Et il doit également s'écarter des mauvaises fréquentations parmi les désobéissants, parmi les pervers, parmi les gens des passions et les innovateurs. Il doit s'écarter d'eux, et ce, afin de préserver sa religion et rester ferme lors de l'apparition des troubles. La sixième cause permettant de rester ferme lors de l'apparition des troubles, et malheureusement, beaucoup de gens négligent cette cause. Et de ce fait, ils sont tombés dans les troubles et dans l'égarement, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Cette cause est le fait de revenir au grand parmi les gens de science. Cette cause est le fait de revenir au grand parmi les gens de science, ceux dont les barbes ont blanchi dans la science, dans sa mise en pratique et dans l'appel à celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fas'alou ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamoun » Interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا » Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité du prophète et des détenteurs du commandement et n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'obéir aux gens de science. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ceux qui détiennent le commandement sont les savants et les gouverneurs. Les savants et les gouverneurs. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc ordonné dans ce verset l'obéissance aux gens de science. Et les savants, ce sont eux qui distinguent les troubles lorsqu'ils arrivent. Les savants, ce sont eux qui distinguent les troubles lorsqu'ils arrivent. Comme l'a dit Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, certes ces troubles, lorsqu'ils arrivent, tout savant les distingue. Et lorsqu'ils repartent, tout ignorant les distingue. Et il a dit vrai, rahimahullah ta'ala. Il se peut que le savant prononce une parole, donne un conseil, mette en garde contre un individu, et ce, car il voit les troubles venir. Il voit les troubles venir. Il perçoit certaines choses de par sa science et de par son expérience. Quant à l'ignorant, il ne perçoit pas ces choses-là. Il rejette alors la parole du savant, puis il court à la recherche d'arguments pour pouvoir la rejeter. Et certains vont même jusqu'à frapper les paroles des savants les unes contre les autres, et ceci est un fléau très courant à notre époque, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe donc, en temps de trouble, de revenir aux savants, aux grands parmi les gens de science, et d'écouter leurs conseils, d'écouter leurs orientations, afin d'être fermes sur la vérité et ne pas tomber dans ces troubles. Et regardez la situation des gens aujourd'hui. Regardez la situation de ceux qui délaissent les conseils des savants, de ceux qui délaissent les orientations des gens de science lors des troubles et qui reviennent et s'accrochent à autre que parmi les affiliés à la science. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le salut et la bonne compréhension de sa religion et de nous accorder la réussite et la rectitude. Ceci était donc six causes parmi les causes permettant de rester ferme lors de l'apparition des troubles. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous leur mise en pratique et de faire de cette assise une preuve pour nous et non contre nous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui retourne les cœurs, de raffermir nos cœurs sur sa religion, sur le tawhid et la sunna, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.